sortie de ta bouche te font dire tellement de choses, de phrases exclamatives tu t'enivres, de toujours tu t'empiffres. Des mots sortis de ta bouche, un jamais sonne si faux, un pardon du genre oh, un baiser façon de pauvre. Des mots sortis de ta bouche, des toujours façon moi aussi, des je t'aime façon moi aussi, des I need you me too façon moi aussi, façon moi aussi, façon moi aussi, façon toi aussi. Des mots sortis de ta bouche, je ne sais pas qui croire, le sel de tes pupilles ou tes mots qui vacillent, façon moi aussi, façon moi aussi. Des mots sortis de ta bouche, des toujours façon moi aussi, des je t'aime façon moi aussi, des I need you me too façon moi aussi, façon moi aussi. Oh, façon toi aussi, tes mots emmêlés dans ta bouche, tu craches tes belles formules, le sens pur des mots est parti avec le temps, l'essence beau de ces assemblages de lettres perdues dans tes oubliettes. Et tu me manques façon moi aussi, des moi aussi pour la vie, des je t'aime au lance-pierre, des partir autour d'une bière, des j'arrête la clope au bec, des finis pour demain, des moi aussi à l'arbalète, qui n'ont plus de sens, qui t'arrêtent, des mots sortis de ta bouche. Des mots sortis de ta bouche, façon moi aussi, des mots sortis de ta bouche, façon moi aussi, des mots sortis de ta bouche, des toujours façon moi aussi, des je t'aime façon moi aussi, des I need you me too façon moi aussi, façon moi aussi, façon moi aussi. Moi aussi.